19h sur Electric Shock. Bienvenue à Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bon, bah, désolé de ne pas vous avoir mis de générique, mais apparemment, il ne passe pas. Je sais pas. Ah, bah voilà. La platine me refait encore des siennes, donc j'ai pas pu mettre le générique. Ça, c'est les joies de l'informatique, de l'électronique. Bravo. Enfin, bref, nous sommes là, c'est le principal. Donc ce soir, vous n'aurez pas de nouveautés. Non, ce soir, ce qui est quand même plus important. Bon, si vous avez suivi Electric Shock ces dernières semaines, ou si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, sur ce qui se concerne le rock Made in Orléans, vous êtes au courant de ce qui se passe. C'est l'événement, c'est la troisième édition donc du Creek Fest, qui aura lieu donc samedi à Cléry-Saint-André à l'Espace Loire, ce qui est donc, on peut dire, la salle des fêtes. Ou pour cette troisième édition, l'ami Chris a mis quand même les petits plats dans les grands, puisqu'il reçoit ni plus ni moins qu'une légende du hard rock français, les Reformés Sortilèges depuis quelques années, qui font un joli petit carton, un retour très réussi. Et donc justement, pour ce soir, j'ai plusieurs invités. Justement, Chris, l'organisateur du festival, ouais. Et également aussi guitariste de Prisma, accompagné de ses acolytes Fred, bassiste du même groupe, et aussi Poi, bien connu aussi, qui fait partie du groupe Elixir, que j'ai reçu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, justement dans Electric Shock, dans le cadre de l'émission pour présenter son premier EP, ainsi que d'ailleurs Prisma il n'y a pas longtemps non plus. Salut tout le monde. Salut. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Je vous entends pas très bien. 1, 2, 3. Salut. Voilà, impeccable. Réglage micro. Toujours est-il que le principal, c'est que vous passiez à l'antenne. Alors, donc, c'est la troisième édition. C'est ça, oui. Déjà. La 3, ouais. Et puis là, quand même, on peut dire que tu as mis les petits plats dans les grands. Bah, écoute, tant qu'à jouer et se faire plaisir, voilà quoi. Faire plaisir à un max de public. En ayant une tête d'affiche... Une tête d'affiche, là c'est la tête d'affiche. Voilà, une tête d'affiche un petit peu connue quand même. Donc, un peu. pas de problème. D'ailleurs, normalement, si tout va bien, on aura une petite surprise là concernant tout à l'heure, d'ici une petite heure environ. Quoi. C'est ça, on vous leur dira ça tout à l'heure. Donc ce soir, bien évidemment, une bonne partie de l'émission va être consacrée donc, aux trois artistes qui portaient... qui seront donc à l'affiche de ce festival, et puis aussi d'autres petites choses qu'on a eues ces dernières semaines dans l'émission. On va commencer avec un groupe, je pense, qui fait l'unanimité parmi vous, c'est Tesla. Ah ouais, yes. Les Américains qui ont sorti un live en fin d'année dernière, mais en anonymat le plus total, puisque les sorties sous aucun label, c'est une autoprod. Que je vous les ai présentés ce midi, qui s'appelle Full Throttle Live. Bon, il a qu'un défaut, il est un peu trop court, il n'y a que 10 titres dont une reprise studio. Ouais, mais ils avaient pas assez à recharger les batteries. Mais bon, ouais, il y a quand même de facile. Très belles choses dessus, des classiques, des morceaux un peu plus rares. Et ben, ce soir, on va commencer tout de suite avec leur grand classique, c'est Changes. Can't seem to stop the hands of time. six, man. Ça reste vraiment toujours aussi bon, tout indémodable. Tesla, donc extrait de son album Full Throttle Live, sorti fin 2023. Par contre, je vous l'ai dit, pas facile à se trouver. Donc, Time to Rock et Changes. Ça vous a plu, ça? Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est trop bon. Ça, Foy, oui, j'étais sûr que ça... Ah oui, ça, Tesla. Regarde, il a le sourire jusqu'aux oreilles. Oui, il est en train de se dire, faut que je me le trouve. ouais, c'est ça, ouais. Faut le trouver, ouais. Mais tu me dis qu'il n'est pas en vente. Enfin, si, il est en vente, mais ouais, voilà, c'est comme si une autoprod, c'est... On est quand même trois, hein. Pas si facile que ça, mais enfin bon, avec la technologie actuelle... Tout se trouve. Pas de problème. Donc, bah, Time to Rock, c'était le morceau à ce moment. Et Time to Rock, bah, c'est toujours le cas d'Electric Shock toutes les semaines, bien sûr. Maintenant, allons faire un petit tour sur le groupe Polaris. Vous connaissez, non? Polaris, alors c'est une marque de. Mais je ne le dirai pas. Non. Bah non, plus, le nom, ça me parle, Polaris. Mais... Ouais, parce que bon, c'est un groupe qui s'est déjà formé dans les années 2000 et qui avait déjà sorti un album en 2013, plus ou moins conceptuel. Alors musicalement, c'est moi je rappellerai ça à fourre-tout parce que ça fait penser par moment à du pur heavy metal. Mm-hmm. Par moment, on est vraiment dans le thrash à la Creator, ce genre de choses. Par d'autres moments, on est vraiment proche de Dream Theater. Ah. Mm-hmm. Donc tout ça se mélange. Moi, je trouve que c'est un peu brouillon quelque part. Enfin, mais c'est quoi, c'est américain, c'est anglais? C'est français, c'est la région parisienne. Ah pardon. Bah désolé pour. Et donc là, ils ont sorti un petit EP qui s'appelle Cosmic Singularity, qui est sorti début février. En tout cas, une chose est vraiment certaine, c'est que quoi qu'on en pense, musicalement, les gars, voilà, ça tricote quoi. C'est pas du pipeau. Eh bien, si vous connaissez pas, vous allez découvrir. Ainsi. Let's go, Polaris. Les joies de la technique, c'est quand même formidable, là, depuis ce matin, là, enfin, depuis tout à l'heure. Vous voyez, vous n'avez pas eu de générique, là, pourtant le morceau, il tourne, mais... Donc, on va essayer sur une autre platine. Vous voyez, c'est du direct, c'est du live, c'est... Bon, meublé un petit peu. Bon, vraiment, je crois qu'on a un gremlin qui doit être caché, parce que c'est quand même pas possible, là, ça fait... Je vous le relance, en espérant que ça passe. Vous voyez ici, on ne triche pas. Hein. Bon, ça recommence au même endroit, donc je suis désolé, mais on va arrêter là, hein, parce que bon... Volant. Messieurs, je suis désolé. Ouais, ça arrive. Je suis désolé aussi pour les auditeurs, hein, ce morceau de Paul. Tant pis, non, c'est pas grave là. Sinon, je vais faire un malheur, je vais tout casser. On était en train de se demander quel morceau on allait faire a cappella. On cherchait. Sinon, ça va. J'ai un chanteur, j'ai des musiciens. Oui, donc, ça nous arrange. Il n'y a pas les instruments par contre. Oui, par contre. On a un gratteux, un bassiste, mais il n'y a pas d'instruments. Non, mais vous pouvez faire les percus. Oui, bien sûr. Oui, ils vont être contents à la radio. Ah ben non, mais ça peut faire un truc intéressant. Voilà. Bon, finalement, on va passer par la suite. Hein. Justement, j'avais prévu de passer un morceau de ton groupe, Poi Elixir. S'il passe. S'il passe, voilà. S'il passe, parce que la platine est à leur faire la sienne. Les dieux du métal sont avec nous. On en moins 2 minutes. Quand tu étais venu début janvier, tu étais venu avec ton pote Guiche pour présenter votre premier EP. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, depuis, pas grand-chose. On a fait une date à Noyers-sur-Cher avec le groupe Hardway. Exact. Donc un super groupe aussi Hardway, avec deux anciens Muren par exemple. Donc des vieilles connaissances. Donc du métier quoi. Voilà. Donc ça jouait très bien, on s'est bien marré, c'était bien cool. Voilà. Donc le futur c'est évidemment le concert de samedi. De samedi. Et après? Après il y a le Chalet de Surloin le 25 mai. Le 15 juin à Saint-Cyr-en-Val, la fête de la bière, et le 21 juin à Saint-Georges-sur-Cher. D'accord, donc ça se précise un petit peu. Voilà. Mal de petits plans live. Et depuis la sortie de ton EP, est-ce que tu as eu des petits échos un peu à part? Des échos, ouais, on a eu quelques chroniques qui étaient bien sympas. Pour l'instant, on n'a rien de négatif, donc c'est très bien. Bon, de toute façon, au bout d'un moment, on aura bien une chronique qui nous sacrera un peu, mais pour l'instant... C'est la règle du jeu, on peut pas dire à tout le monde. Pour l'instant, c'est bon. Donc, tu nous as choisi un petit titre de ton EP, c'est ça? C'est ça, c'est Dentelette d'Arbre. Eh bien, j'espère que vous allez pouvoir l'entendre, hein, parce que là, je garantis rien, je vous dis, il doit y avoir un Gremlins dans le studio aujourd'hui qui nous cause beaucoup de soucis. C'est pas moi. Ouais, bon, je pense que là... Je pense qu'il part pas non plus. Oh la vache. Allez, on change de platine. La deuxième platine, je déconne aussi. Je pense qu'on va marcher qu'une seule platine ce soir. Ouf. Ça va être compliqué, mais... On va meubler, t'inquiète pas. Ouais. Pas plein de trucs à dire. Oui, mais bon, comme je l'ai dit, dans le pire des cas... Ouais, ne jouez pas de venir au Creekfest samedi. Il ferait des crises. Tant que les micros, ils marchent. Voilà. Je vous l'envoie. You know, down. Raise your hand. C'était, bah tiens, Paul, je vais te laisser travailler un petit peu. C'était Don't Let Down. Entier. Entier, avec la gueulante de la fin. Tu l'as pas coupé, bah jusqu'au bout, j'allais pas couper ça quand même. Si la platine avait fait ça, je sais pas ce que j'aurais fait. Je l'aurais fait en live. Donc, extrait donc, de ton premier EP, comme Here's the X from Hell. C'est ça. Voilà. Eh bien, hier... C'est Fred, là. C'est Fred qui va parler. Coucou. Oui, coucou. Je crois que tu veux dire quelque chose. Non, j'attends ta question. Non, bah tiens, hier, ça a été, on a eu droit à un très grand concert de saxo Judas Priest, belle affiche. Bon, certains diront qu'il commence à accuser le poids des ans, certes, mais enfin bon, quand on a 70 ans passés et chanter encore comme le fait Rob Halford, voilà, faut relativiser les choses, quoi. Même c'est Saxon, hein, enfin. Voilà. Et Saxon, qui a vraiment eu une part de Lyon, il avait une scène magnifique. Ils ont joué une heure, donc première partie vraiment de luxe. Ah, c'est très bon en live, Saxon. Ah oui. Oui, là, d'ailleurs, le public était autant pour Saxon que pour Judas. Enfin, je pense. En général, quand t'es fan de l'un, t'es fan de l'autre. Et je me souviens que tu l'avais interviewé, le chanteur de Saxon. Oui, j'ai eu l'occasion et déjà. Il était sympa, d'après ce que tu me disais. Deux fois, ouais. Voilà. Et c'était quand même un très grand souvenir. Ouais. Et bon, le problème, c'est que Saxon n'a joué qu'une heure. C'est vrai que quand on a un répertoire comme le leur, on se dit que bah c'est trop court, on en reprendrait bien encore pour une demi-heure. Donc du coup, ils ont dû aller à l'essentiel, c'est-à-dire... quelques titres du dernier album et surtout bah des classiques. Des classiques. Bah oui, forcément. Quant à Judas, si on peut pas dire que le dernier album a été mis vraiment à l'honneur, trois morceaux. Enfin bon, le dernier album, je l'ai pas. Histoire d'eux. C'est pas mauvais, mais enfin c'est pas non plus un de leurs plus grands. Mm-hmm. On a eu droit aux classiques aussi, bien évidemment, mais aussi Judas a profité de ça pour nous sortir des choses un petit peu plus rares, comme par exemple qui aurait cru que Saints in Hell de Stenclass ressortirait en live quoi. Mm. C'est peut-être au niveau de la voix, c'est plus... Pourtant, c'est un morceau quand même assez costaud aussi, quand même. Enfin, ils ont joué combien de temps? Donc, deux très bons concerts. Puis bah, Saxon, je crois qu'ils repassent au Hellfest. Il me semble, ouais. Où ils sont apparemment à une assez haute place dans l'affiche. Avec Steel Panther au Hellfest. Voilà. Donc, pour se remettre un petit peu dans l'ambiance... C'est pas le même style. Hein. Mais c'est mon gros fétiche. J'adore Steel Panther. Yes. Pour se remettre un petit peu dans l'ambiance d'hier soir, bah tiens, on va se repasser un petit extrait d'un live qui était sorti en 2014, de l'époque Sacrifice, et on va se faire un petit morceau, un classique, bah, qu'on pourrait dédier au Creekfest, And the Band Played On. Ah bah ouais, bien vu. Okay, first one, the band's played on, here we go. We'll be right back. Bon, on arrête là parce que c'est vrai que je passerai tout l'album ainsi avec moi. Mais enfin bon, on n'est pas là pour ça ce soir. C'était donc le classique de Judas Priest, Rapid Fire. Extrait donc de l'album British Steel. Là, cette version live était extrait donc de l'édition anniversaire pour les 30 ans d'anniversaire. Et ça aussi, ça faisait partie des petites surprises qu'on a eu droit hier soir lors de leur concert à Paris. C'est bien bon. Mais on l'a reconnu tout de suite, hein, quand même. Et avant, un classique de Saxon and the Band's Pleasant qui lui était extrait de l'album St. George's Sacrifice Live in Manchester, sorti en 2014. Puisqu'on parle de festival, de choses, ben, on va revenir au Creekfest. On a passé Elixir tout à l'heure, il y a aussi le groupe Prisma qui est à l'affiche. Yes. Voilà. Et ben, on va diffuser un petit morceau. Donc Fred, je crois que c'est toi qui as choisi le morceau. Oui. Pas de problème, avec l'accord de Chris, bien sûr. Ah non, vas-y. Non, je l'ai choisi parce que c'est vraiment un de mes préférés, qui emmène bien. Donc voilà, bonne écoute. Il s'appelle Crazy Night. Donc extrait de Way of Life. Quand on fait des conneries, oh putain, excusez mon langage, mais je suis un petit peu agacé. Quand ça veut pas, je vous dis, il y a des jours comme ça. Pourtant, là, j'avais bien sélectionné la bonne piste. Hein. We'll be right back. Comme vous avez pu le constater ce soir, votre animateur est loin d'être au top de sa forme. Mais on a fini quand même par vous passer le morceau de C'était quoi? C'était Crazy Night. Ouais. Extrait donc du premier véritable album de Prisma, voilà, du LP, qui est sorti fin 2023, il y a déjà 4 mois. Ouais, wow. C'est ça. Ah ouais, ça passe, mine de rien. 9 titres. Eh oui, quand même. Eh ouais. Et vous avez de nouvelles compos dans la besace? Oui. Ok. Donc des nouvelles qu'on va jouer samedi soir. Voilà ce que vous voulez faire. Tiens, petit détail technique pour le festival, ça commence à quelle heure, ça ouvre à quelle heure? Ça, c'est une excellente question, c'est vrai. Alors, pour ceux qui arrivent de loin, pour qu'ils puissent ne pas patienter comme ça bêtement, à partir de 16h, il va y avoir des super bagnoles en expo, en extérieur. Bon, il n'y en aura pas non plus 10 000, mais voilà. Et puis, concrètement, ça ouvre donc pour le fan club, c'est toujours un petit peu avant les autres, avec le fan club de Sortilège, c'est traditionnel. On est aux alentours de 6h30. Et sinon, l'ouverture officielle, ça va être du 18h50, je pense. Quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. 18h50, 19h. Ce qui est bien, c'est que comme il y a pas mal de préventes qui ont été déjà prises, ça va vachement plus vite en prévente, parce qu'il n'y a pas la transaction, elle a déjà été faite. C'est juste le contrôle, c'est dans le listing, ça rentre. Voilà, direct. Voilà, donc 18h50, ouais. Et qui ouvre le spectacle, c'est... C'est Elixir, donc n'arrivez pas en retard. Hein. Bon, il vous l'a dit, hein. Non, c'est vrai, ça n'a pas raté. Non, c'est vrai, ouais. On a un petit peu avancé tout ça, parce que, voilà, pour des contraintes horaires, mais oui, c'est Elixir qui lance les hostilités. Donc surtout, soyez bien à l'heure, sinon vous allez... Ouais, ne soyez pas en retard, parce que voilà. On sert de chauffe-salle. Ouais. Et le pire commence à quelle heure exactement? Au 19h15. Voilà. Donc, faut pas vraiment pas arriver en retard. Non, voilà. Mais vous pouvez quand même boire votre bière. De toute façon, vous nous entendrez depuis la buvette, hein, y a pas de problème. Oui, et puis il y a des entractes entre chaque... Oui. Donc... Oui. Voilà. Bah maintenant, tiens, je vais vous emmener faire un petit tour du côté de Toulouse. Mm-hmm. Ou je sais pas si vous connaissez le groupe Carcara. Du tout. Oh si, t'en as passé la semaine dernière. Tout à fait. Et toi? Ah oui. Voilà, qui suit quand même déjà ça. Hein? Donc c'est un groupe de rock psychédélique. Ah ouais, d'ailleurs, je t'avais demandé si t'étais entre bien. Entre King Crimson, Black Sabbath et Hawkind. Moi, ça me fait plutôt penser à Hawkind à l'époque où Lemmy en faisait partie. Donc du rock quand même très barré, qui s'envole de très très haut. D'ailleurs, c'est un album conceptuel qui raconte l'histoire d'un monde dystopique où il n'y a plus aucune ressource naturelle sur Terre. Les êtres humains sont éparpillés un peu partout. Alors il y a des hordes de pillards, enfin des choses genre Mad Max et compagnie. Ouais. Et puis d'autres qui sont réunis en petites communautés qui essaient de survivre tant que bien que mal. Et le héros, en fait, lui rêve que d'une chose, c'est de s'enfuir, parce qu'il a entendu parler d'une cité magique où il y aurait abondance, des mets, un climat plus serein, tout ça. C'est très tout ça, non? Et il se barre donc avec la nourriture, et il est poursuivi justement par des gens de son clan qui essaient de le rechercher. Enfin bon, bref, tout ça, c'est quand même assez barré. Mais c'est quand même pas mal foutu du tout, pour tous ceux qui aiment le genre stoner psyché. Un truc à vraiment écouter. Donc, extrait de All Is Dust, Carcara, avec le morceau On Edge. J'espère qu'il va passer. Hein. J'espère que les ennuis techniques, c'est fini pour ce soir. Hein, parce que là, on cherche la Gremlins, hein, mais on l'a pas trouvé encore. On s'est envolé haut, très haut, très haut dans l'espace. Bien qu'il vienne de Toulouse, là, on a vraiment dépassé le système solaire. Je sais pas où c'est que jusqu'où on a été, mais on a été quand même très très loin. Avec Carcara et son album conceptuel All Is Dust, c'était On Edge. Vous aimez ce style? Ouais, c'est... Je pense qu'il faut prendre Oh, j'arrive pas à le dire. Ouais, ça me rappelle vraiment Black Sabbath, quoi. Ah, complètement. Ouais. Bah, et surtout à Hawking, quand même, pour les bruitages un peu zarbi, complètement psyché. C'est trop, justement, c'est trop zarbi pour moi. Moi, j'ai l'impression de faire un bond en arrière. On se trouvait vraiment 72, 73. C'est ça. Bah, tiens, pour la suite, j'ai pensé à vous. Vous que je sais que vous êtes tous des grandes fans d'Iron Maiden. Non, si ah peu. Bon si peu. Et que, bah, vous savez tous que leur chanteur a sorti un album solo récemment. Oh, que oui. Oh, que oui. Bruce. The Mandrake Project, que moi, pour ma part, je trouve vraiment excellent. C'est le patron, Bruce Dickinson. Pour les chanteurs, c'est le patron. Et sur cet album, il y a un morceau qui, d'ailleurs, avait tellement plu à Steve Harris qu'il l'avait chopé sur Book of Souls. Il avait dit, hop, ce morceau-là, il est pour Maiden. Ce qui avait donné Eternity, If Eternity Should Fail. Exact. Et là, donc, sur cet album, Dickinson s'est dit, eh oh, quand même, c'est à moi, donc je le reprends à ma sauce. Et c'est ça ce qu'on va s'envoyer tout de suite, c'est Eternity Has Failed. Bien. C'était Eternity as Fell, donc de The Mandrake Project de Bruce Dickinson. Alors, vous préférez la version Dickinson ou la version Maiden, les gars? Alors, là, j'hésite. Ah bah tiens, je suis plus allumé. Il est pas allumé, Chris. Au niveau de l'orchestration, là, ce que j'ai entendu, c'est quand même puissant. C'est... Ouais, ouais. Voilà. Alors là, il est 20h tout rond. On a, comme je vous le disais tout à l'heure, au tout début d'émission, on a une surprise. Je viens d'avoir donc Zouille au téléphone, là, qui est en attente. Alors j'espère qu'on n'aura pas de problème technique pour le passer à l'antenne. Sinon, on va se débrouiller autrement. Et... Voilà. Allô? Oui. Ah, yes. Ça passe, cool. Ça fonctionne, c'est cool. Ça fonctionne, bravo, bravo, les dieux sont avec nous, bravo. Par contre, j'entends vraiment très très faiblement. Et là, tu m'entends mieux? Ah, yes, super. Pourtant, quand tu as téléphoné, je t'entendais très très bien, mais là, je t'entends vraiment très très faiblement. Alors, attends, bouge pas, je vais changer un peu. Est-ce que là, c'est mieux? Un petit peu mieux. Attends, j'espère donc. Je suis donc, comme je te disais, en antenne. Je suis ravi d'être à l'antenne avec une de mes idoles de jeunesse. Et en face de studio, j'ai Chris, Fred et Poi qui sont là. Peut-être qu'ils veulent te dire bonjour. Idole de jeunesse aussi. Salut Zouille. Salut à tous. Bonsoir. Salut. Alors, j'ai prévu que quelques petites questions comme ça. D'ailleurs, aussi, les gars, si vous voulez intervenir. Alors, des questions que j'ai envie de te poser, c'est que Sortilège a fait son grand retour là depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu penses que le groupe a retrouvé son statut des années 80, voire même est au-delà de ce qu'il était? Je pense qu'on a passé un cap là. Vu ce qui se passe dans les concerts, vu le public qui rajeunit sans cesse, le public qui vient nous voir. Je pense qu'on a quand même passé une marche et on a laissé un petit peu derrière l'ancien Sortilège et l'avènement d'Apocalypso, du nouvel album, du dernier album, a fait qu'on a touché aussi un nouveau public parce que la musique est un petit peu différente. Hein. On a osé des choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a 40 ans. Et je pense que le succès est toujours là. Hein. Les fans sont toujours fidèles. On voit des gens qui sont fidèles depuis 40 ans, on voit des jeunes, hein, puisque on en parlait tout à l'heure, ces mêmes personnes quand ils allaient à l'école accompagner leurs enfants écoutaient ça dans la voiture, et maintenant j'ai des gamins de 25-30 ans qui me disent ouais, je suis fan de la musique, j'écoutais ça quand j'étais enfant, quand mon papa m'emmenait à l'école, maintenant je vous vois sur scène, c'est génial. C'est exactement ça. Voilà, donc je pense vraiment qu'on a tourné la page de l'ancien et qu'on se dirige vers le Sortilège 2.0 maintenant. Un petit peu dans le même esprit, justement, quand Apocalypso il est sorti l'année dernière, est-ce que vous appréhendiez quand même un petit peu l'accueil quand même des médias, enfin surtout du public? Oui, c'est pour ça qu'on a fait un album tampon, Phoenix, tu sais, c'est celui qu'on a sorti avant, qui a repris des morceaux de l'ancien répertoire, et dans lequel on a mis deux nouvelles chansons, Phoenix et Toujours plus haut. Cet album a montré que les gens étaient réceptifs, mais étaient quand même en attente de savoir ce qu'on était capable de faire sur un nouveau projet. Et quand on a sorti le truc, on a eu que des retours positifs, à part un ou deux, mais dans l'ensemble, hein, on va dire 99,8% de retours ont été extrêmement positifs et ça se voit dans les concerts parce que maintenant les gens connaissent bien les morceaux du nouvel album et les chantent avec moi, donc c'est vraiment génial. Ouais. Justement, j'ai l'impression que tu anticipes presque mes questions là, parce que la question suivante c'était quand j'ai écouté le live Coram Populo, il semble que les morceaux d'Apocalypso soient bien reçus auprès du public, alors que cet album n'était pas encore sorti et que les gens le découvraient vraiment, puisque c'était le live avait été enregistré un petit peu avant, quoi. Comment est-ce que tu expliques ça? Ça tient compte du fait que on a toujours mis notre cœur dans ce qu'on faisait et je crois que ça se sent, tu vois. On fait pas des albums pour faire des albums comme ça. On réfléchit, on a mis 18 mois pour le sortir. C'était quelque chose de très très difficile. On a pris des risques parce que il y a des morceaux qui sont vraiment très métal et on se demandait si ça allait plaire. Et puis apparemment, tu sais, moi j'ai toujours un truc en tête, j'ai écouté Bruce Dickinson qui disait un jour « Il faut surtout pas faire de la musique pour nos fans, il faut aussi faire de la musique parce que ça nous plaît. » Et on a fait ça. Évidemment qu'on fait ce qu'il faut pour nos fans, mais on a fait aussi de la musique qui nous plaisait. Et comme on l'a fait avec le cœur, je crois qu'on triche pas. Et les gens s'en rendent compte. Tu sais, quand tu fais semblant, quand tu triches, quand tu copies, les gens s'en rendent compte. Bien sûr. Et là, on a fait vraiment quelque chose, je pense, d'original. Parce que c'est vrai que tout le monde est influencé par quelque chose au départ. Oui. Le tout, après, c'est de l'assimiler, d'en sortir quelque chose de personnel. Absolument, oui. Et petite question pour Coram Populo, le live. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette date-là à ce moment-là, alors que justement, comme je le disais juste auparavant, l'album n'était pas encore sorti? Ça a été un concours de circonstances. Au départ, on voulait faire juste un concert, normalement, comme ça, un peu informel, au forum. Notre maison de disques nous a dit « Oh là les gars, attendez, moi je veux absolument filmer et enregistrer le truc. » Je dis « Pourquoi tu veux faire ça? C'est une petite salle, c'est pas terrible. » Mais c'est pas grave, je veux le faire. » Voilà. Donc, ils se sont dit « On va investir là-dedans et puis on va le sortir. » Donc à partir de là, tu sais, quand tu es dans une maison de disques que tu as signée en tant qu'artiste, tu peux pas trop parler, tu peux pas dire grand-chose. Donc la seule chose à faire, c'est de dire « Ok, bah amen. » Mais c'est un très bon produit. Tu vois, le résultat est quand même excellent. Ah bah il est excellent. Ah bah, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que la surprise qu'on peut se dire, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attendu que la sortie de l'album soit faite, que justement le public ait eu le temps d'assimiler un petit peu les nouveaux titres, tout ça, pour que... Aucune idée. Je pense que c'est une question de budget. Tu sais, les maisons de disques ont des subventions et il fallait absolument, probablement, qu'ils aient écoulé toutes leurs subventions avant la fin de l'année pour pouvoir prétendre des subventions égales l'année suivante. Ça marche un peu comme ça, hein, dans les maisons de disques quand elles peuvent avoir des subventions. Donc, elles ont des subs. Et il fallait absolument qu'elles dépensent leurs sous. Non, ils ont fait ça comme ça, quoi. Un peu comme les administrations aussi, quoi. C'est ça. Ils l'ont bien fait. Il n'y a pas de problème. Ouais. Même très bien fait. Bah, samedi, Sortilège va être la tête d'affiche du Creekfest dans sa troisième édition. Est-ce que tu en avais entendu parler avant? Non, du tout. Moi, je suis un petit peu... Je suis un peu en dehors de tout ça, hein. Je suis un peu assez atypique, moi, comme je suis un ermite, je regarde pas trop ce qui se fait et je vis au jour le jour et puis si le destin me met ça dans les pattes, ben je le fais, mais je regarde pas, j'écoute pas trop en fait. Là tu vois, je suis allé hier au concert de Judas. Moi aussi. ça faisait je sais pas combien, 15 ou 20 ans que j'étais pas allé à un concert. Ah ouais, je l'ai fait parce que j'avais une opportunité, parce que bon, on connaissait des gens, ils nous ont invités. Mais sinon, j'y serais pas allé. Et voilà, bah, moi, je me fais un petit peu. C'est un petit peu comme le bateau sur l'océan qui se laisse un peu aller par le vent. Il oriente sa voile pour aller dans telle direction. Bah, je suis un peu comme ça dans la vie, moi. Ah, disons, c'est pas un futur, une idée d'un futur morceau, ça. Ce que tu viens de dire, c'est pas, sympa. Pourquoi pas. Ouais. C'est pas idiot, parce que c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, j'avais dans l'intention pour le prochain album de faire un morceau qui parle de vikings qui décide de monter sur un bateau et d'aller voir si la terre est plate ou ronde. Donc ils montent sur le bateau et ils se laissent un peu porter par le vent comme ça, et puis si jamais la terre est plate, ils tomberont de l'autre côté, c'est pas grave. ils découvrent. Voilà, donc effectivement, ouais, tu vois, c'est marrant l'analogie avec ce genre de truc, ouais. C'est ça. Ouais, c'est cool. Alors tu disais donc que ça faisait 15 ou 20 ans que tu n'avais pas vu donc un concert de métal. Alors ça t'a fait quel effet de revoir Judas Priest après toutes ces années? Ça fait drôle parce que déjà c'est plus les mêmes personnages, il manque un peu, les gens ont été un petit peu interchangés, hein. Et puis de voir que Rob Halford, c'est toujours une voix extraordinaire, c'est une personnalité, il a une présence scénique extraordinaire, et puis surtout cette voix, quoi, il a gardé sa voix, il a 72 balais le garçon, et même s'il a pas la même verve qu'avant, qui fait juste des 100 pas sur scène, sur le plan vocal, c'est extraordinaire. En plus, c'était la dernière date de la tournée européenne. Donc, il a tout donné hier. C'était fabuleux, quoi. Ouais. Fabuleux. Je partage ton point de vue. Ouais, c'est... Tu l'as vu aussi? Oui, j'y étais aussi hier soir. Oui. Ah, tu étais d'accord. Oui. Et puisqu'on parle un peu de nostalgie, tout ça. En 85, Sortilège jouait à Orléans. J'ai pas pu y aller à l'époque parce que j'étais. Mes parents me disent non, t'as école demain, et puis de toute façon, c'est trop loin, on peut pas t'emmener. Donc, moi, je sais que je ne posais pas. Et donc, presque 40 ans plus tard, vous êtes de retour à Orléans, enfin, quasiment à côté, quoi. Ah, c'est Orléans. Quel effet ça vous fait de dire, putain, 40 ans après, est-ce que c'est pas possible d'avoir fait le tour, boucler quelque chose? Non, ça me fait toujours rire parce que quand je vois des fans, ils viennent me voir, ils me disent « je t'ai vu, c'était en 85, je t'ai vu, c'était en 82 ». T'as l'impression d'être un vieux papy qui fait de la résistance. Et moi, j'ai cette faculté de tourner la page. Et donc, sincèrement, je me rappelle plus des concerts que j'ai faits il y a 40 ans. Déjà, j'ai du mal à me rappeler les concerts que j'ai fait il y a 4 ans, donc t'imagines, il y a 40 ans, je me souvenais absolument pas qu'on avait fait un concert à Orléans. Et tant mieux, si on revient aux sources, c'est génial. C'était excellent. Le pourquoi du comment, d'ailleurs. Hein. Oui. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Donc, ouais, c'est bien cool. On a hâte, Zoui, on a hâte. Vivement samedi. Bah, nous aussi, là, on est prêts. Là, on est sur des charbons ardents. En plus, ça fait ça va faire combien de temps qu'on a pas joué? Pendant presque un mois. Donc, on a vraiment envie de jouer et puis de rencontrer les gens dans la salle. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est après le concert, c'est aller faire un tour. Oui, on t'a vu à Vouziers, entre autres. Voilà, tu vois comment je suis. Moi, j'adore après aller toucher les gens, les embrasser, discuter un peu avec eux, faire des selfies, leur serrer la main. Boire une bière si c'est possible. Vous êtes vraiment très proche de vos fans et ça, c'est remarquable. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas oublier une chose, c'est que si vous n'êtes pas là, si les fans ne sont pas là, on n'existe pas. Ouais. Et ça, je trouve qu'il y a trop de groupes qui l'oublient. Ouais. Et tant que je serai en vie et tant que je ferai ça, j'essaierai de ne pas oublier les fans et d'être toujours présent dans la mesure du possible, évidemment, parce qu'après, j'imagine que quand tu es dans une tournée, peut-être que c'est moins facile, tu vois. Mais pour le moment, on est encore c'est pas la grosse société, c'est pas la grosse machine, tu vois. Ouais. Donc on peut se permettre de le faire. Non, mais c'est très bien. Oui. Surtout que là, les deux groupes qui jouent avant vous, ce sont des fans de Sortilège. Ah ben c'est que des fans, donc c'est ça qui est excellent, quoi. Parce que moi, Zouille, je suis Paul, le chanteur d'Elixir, donc le premier groupe qui va jouer. Et oui. Moi, tu fais partie des 5 chanteurs qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune. Je me suis pété la voix, essayé de reproduire cette gueulante sur Sortilège. Donc j'ai vraiment hâte de partager, enfin d'être sur la même scène que toi, quoi. C'est vraiment à pied. Oh. Ben, tu verras, ça sera bien, ça sera un plaisir. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est d'aller jeter un œil et de discuter avec les groupes qui passent avant nous, parce que il n'y a pas de raison, tu vois, on n'est pas des stars. Et même si t'es une star, je vois pas pourquoi tu irais pas discuter. Donc, moi, j'aime bien aller dans les loges, rencontrer les gens, et puis, tu vois, échanger quelques minutes avant de monter sur scène. On est dans le même endroit. Bon, on a la chance d'être un peu plus populaire, mais on n'est pas pour autant des grosses stars, tu vois. Donc on n'est pas dans le star system. Non, mais c'est franchement nickel. C'est tout à fait en plus l'état d'esprit du Creek Fest. L'assaut, on l'a monté pour ça. Donc, mais c'est ce que je t'avais dit au téléphone. Voilà quoi. C'est familial, j'aime ça. Voilà, j'aime ça. C'est le dernier groupe qui est venu Heartline sur le Creek Fest 2, là. C'est ce qu'ils m'ont dit encore maintenant, quand je les côtoie, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, même s'ils n'ont pas la même notoriété que vous, mais dans tous les concerts qu'ils ont pu faire, ils ont rarement vu ça, l'accueil, la chaleur qui se dégage des bénévoles. Et moi je kiffe total en tant que président de l'asso, c'est que j'ai un bol, mais énorme, c'est que tous les bénévoles, ils font tout pour que ça se déroule bien. Ils donnent de leur temps sans rechigner à rien du tout. Enfin, puis les conditions matérielles pour les artistes aussi, qui ont vraiment un bel endroit pour être au calme avant le concert. C'est pas donné. Tout ouais. Mais ça, vous savez, on a vu ça effectivement quand les associations comme ça nous invitent pour jouer dans leur endroit. Mmh. On a toujours cette sensation d'être accueilli comme si on était à la maison, tu vois. C'est ça. Il y a pas de chichi, il y a pas de truc. On sent que vous faites le maximum. Voilà. Et ça, c'est avec plutôt que dans certains festivals, t'arrives dans le festival et t'es traité comme un numéro. Tu passes là, tu te tais, tu te joues et tu t'en vas. Mmh. Là, on sent qu'il y a une émulation. Puis je sens à vos voix que vous avez vraiment envie que ça se passe et qu'on vienne. Donc c'est génial parce que là, on est en terrain conquis. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu auras des fans dans la salle et tu auras des fans sur la scène. Voilà, il y aura partout. T'auras des fans de partout. Donc ça ne peut que bien se passer. Voilà. Ouais, c'est clair. Bah, pas de problème. Bah, t'as justement une des dernières questions là. Samedi soir, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'il y aura des surprises pendant le concert? Bah, si c'est des surprises, il va pas. Non, il y aura pas de grosses surprises. Hein. Ça sera du sortilège. Ça sera le même set qu'on joue depuis quelques mois. On peut pas se permettre de faire des surprises particulières parce que c'est un peu compliqué, ça se répète. Mmh. Et que là, comme là en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps de répéter en fait, pour tout vous dire. On est éclaté un petit peu aux quatre coins de la France. Hein. Il y en a un qui habite à Tarbes, l'autre qui est à 80 km de Paris, etc. Donc c'est pas évident. Donc malheureusement, on n'aura pas le temps de répéter avant. Mmh. Donc on peut pas faire de surprises parce que ça, il faut prendre son temps. Si tu veux des invités, c'est pareil, il faut faire des répétitions, etc. Donc c'est un peu compliqué. Exact. Donc ça sera un set classique, mais néanmoins excellent, je pense. C'est déjà plus que bien. C'est sûr, ça sera excellent. Oui, ça va nous convenir. De toute façon, vous inquiétez pas, on va donner tout ce qu'on a à chaque fois. On fait la même chose. En plus, quand on voit des gens qui sont motivés comme vous l'êtes, on ne peut que vous donner les 120% qu'on va vous donner. Hein. Yes. Nickel. C'est cool. Merci à toi, Zoui. Justement, maintenant, on va se passer un morceau de sortilège. Et ben, je vais te laisser le choisir. Quel morceau tu voudrais qu'on diffuse dans Electric Shock maintenant, de sortilège? Écoute, moi, je suis assez fan. Je suis assez fan d'Apocalypso. D'accord. J'ai tout prévu. Hein, j'ai amené tout. Hein, Alors, il est un peu long. C'est un morceau un peu long, mais c'est un de mes morceaux préférés. Donc, tu veux lequel? Apocalypso. Celui qui s'appelle Apocalypso. Ah d'accord, le morceau de l'album. Le morceau Apocalypso. Exactement. Donc le dernier. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on va s'envoyer maintenant. Merci à toi, Zoui. Génial. Merci de nous avoir consacré un petit moment. C'est cool. C'est super cool de t'entendre. Ouais, je serai ravi de te rencontrer samedi lors du Creekfest. Avec plaisir. Et partager une petite binouze avec toi. Génial. Minimum. À samedi. Ça marche. Merci, ciao. Merci à toi. J'étais ravi de faire cette interview. Merci. Vraiment super. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Un grand moment, je suis très... Merci Chris de m'avoir permis... C'est limite la petite larme, hein, les gars. C'est exactement ça, je suis à deux doigts de pleurer, moi. Merci Chris, parce que ça, j'oublierai jamais que tu vas me permettre de jouer avec Zoui. J'oublierai jamais. Non, je vais... Jamais. C'est plutôt... je vais permettre à beaucoup, beaucoup de gens de jouer sur les mêmes planches que Sortilège. Et en plus de les revoir presque 40 ans après, quoi. Ouais, qui sont vraiment abordables. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à Bouzier. Ouais, ils sont près de leurs fans à la fin du concert. C'est ils excellent. Viennent discuter, ils prennent leur temps. C'est très bien. Ouais, mais tu sens que voilà, c'est. Mais nous et Christophe, on avait fait le concert reformation à la loco. En 92, ouais. En 92. Qu'on avait eu une bonne claque. Une bonne claque qu'on avait pris. Ouais. Et je me disais, super, ils vont se reformer. Hélas. Et hélas, 92, ça a été une seule date. Mais... Et puis c'est tout. Bon, on va se mettre à Apocalypso parce que c'était le choix de Zoui. Cool. Tu sens l'ambiance, c'est cool. de paix. Si je devais revenir, ce serait pour tout détruire, c'est vrai. C'était Apocalypso, un extrait donc de l'album du même nom de Sortilège, et c'était le choix de Zouille, comme depuis qu'est-ce que c'est bon. Un grand moment, j'étais ravi, donc, de, comme tu le disais encore, d'avoir pu tailler un petit peu le bout de gras. J'ai eu un message d'un auditeur qui a dit que lui aussi, il avait pleuré à nous entendre. Bisous, Ben. Ému aux larmes. Serait-il pas l'heure, Christophe? Il est quand même 20h, bientôt 30, déjà. Ah ouais, on passe très très vite. Ça passe vite. Tu peux dépasser, non, de 4h ou pas? Je ne pense pas. Non, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse gagner une place, une entrée gratuite pour le festival pour samedi. Donc, la date, vous savez que c'est donc samedi-là, d'accord? C'est donc ouverture des portes à 18h50. Et c'est à Cléry-Saint-André. C'est donc la salle Espace Loire. Vous tapez sur le GPS 1 rue du stade, Cléry-Saint-André. Il y aura des petits panneaux de toute façon. Un petit conseil, essayez de ne pas venir trop tard. Bah, pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a Elixir qui va démarrer dans la foulée quasiment. C'est la principale raison d'ailleurs. Voilà. Oui, j'en vois pas d'autres. Mais si, il y en a quand même une autre, elle est purement logistique, on va dire. Le parking n'est pas si grand. Voilà, donc j'ai donné un petit message. Bon, après, il y a des possibilités pour se garer. Oui, on peut se garer, mais un petit peu plus loin. Faut marcher un petit peu. Voilà. Bon, ça sera bien pour la digestion en repartant. Bref, donc il y aura des exposants, on a oublié de le dire tout à l'heure, mais... il y aura une boutique de fringues et bijoux avec nos potes de Core Backstage. Il y aura du tatou éphémère avec mon ami Jean Do. Il y aura un mec, c'est un artiste, un artisan artiste qui fabrique des enceintes Bluetooth qui ont été adoptées par Ben Barbeau quand même, minimum. Le premier exemplaire a été directement pour lui. Et en plus, avec un son énorme, donc c'est Rub L Sound. Donc il sera présent aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, 16h, il y aura une expo de voitures, de collection, de prestige, je sais pas comment on peut dire ça. Bon, c'est des beaux engins, franchement, voilà. Vous allez en prendre plein les yeux. Et donc, qui est-ce que j'oublie? Évidemment, il y aura du merchandising, justement, des trois groupes. Et la question, pour gagner une entrée gratos, la question, c'est quoi les trois groupes du festival de samedi? Donc il suffit pour ça, vous appelez tout simplement notre pote Christophe au 02 38 43 48 00. Tout à fait. Et puis vous donnez juste le nom des trois groupes. On vient d'en passer un à l'instant, ça a été dit maintes et maintes fois. Donc là franchement, si vous passez à côté, c'est vraiment ballot. Eh ben, moi j'attends vos coups de fil, et en attendant, tiens, si on se passait un petit peu de trash def avec Slaves of Imperium. Ah ouais, tu connais mes gouttes. Allez, on s'envoie ça maintenant. On va se décrasser les oreilles. petit décrassage auditif à l'instant avec Tagada Jones et son album Best of TRNT 1993-2023. Et oui, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Ah oui, quand même. Avec leur métal énervé. Avec un best-of donc réenregistré. C'était Nation to Nation à l'instant. Et d'ailleurs, ils seront en concert à l'Olympia le 1er juin prochain. Juste avant, c'était donc Slaves of Imperium, groupe qui nous vient de Bretagne, et son album New Waves of Cynism, c'était le morceau Mating Season. Bah tiens, aucun auditeur ou auditrice n'a appelé pour gagner une place, alors on va peut-être faire plus simple. Ouais. Premier ou premier qui appelle, voilà. Oui. Tout simplement. Oui. Donc, qui c'est qui a l'affiche, comme on disait tout à l'heure, il y a le groupe Elixir, entre autres. Elixir, voilà. Il y a Prisma, c'est Sortilège. Et là, c'est Elixir qu'on va s'écouter. Et les poètes, tu nous as choisi le morceau Living Forever. Eh bien, on s'en envoie tout de suite. Donc, j'attends vos appels. Hein. C'est tout simple. Il suffit de dire, dire qu'Electric Shock, c'est votre émission préférée, que Prisma, c'est votre groupe préféré aussi. Voilà. Oui, un peu de léchage de bottes, hein, ça fait toujours du bien. Allez, on s'envoie ça. C'était à l'instant. Allez, travaillez un peu les mecs. Si je vous ai fait inviter, c'est quand même pas pour... Hein. Bon, d'accord. Mais moi, je le connaissais, le morceau. Pour ça que j'avais enlevé mon casque. C'était toi, là. Mais oui, il paraît, c'était ouais. Toi qui chantais. Le mec qui braille, c'était moi. Ouais. Yeah, rock and roll. Je suis un brailleur. Oui, mais si tu le dis, on ne va pas te contredire. Hein. Donc, c'était Living Forever, extrait de ton premier EP. Come Here, The X From Hell. Voilà. C'est ça. De Elixir. Ben, on va revenir à la tête d'affiche du Creekfest, ouais. Avec un morceau que vous avez choisi à l'unanimité. Oui, voilà. Un classique du hard rock français, extrait du premier véritable album de Sortilège Métamorphose, c'est D'ailleurs. D'ailleurs. Oh, C'était Malédiction, extrait donc de l'album Condamné, la réédition. C'était on se disait qu'on connaissait. C'était le morceau Prince des Ténèbres en version démo 2000, donc extrait donc de la réédition. On n'arrivait pas à remettre un nom dessus. J'ai dit plein de conneries, mais j'y arrivais pas. Et puis avant, Sortilège, la tête d'affiche donc du Creekfest avec son classique d'ailleurs, extrait de Métamorphose. D'ailleurs, personne n'appelle. Oui, je remarque. Ah, d'ailleurs. Et on a pris du retard, c'est vrai qu'on discute beaucoup, puis les petits problèmes techniques qu'on a eus au début des émissions. Ouais. Et heureusement que Christophe est très gentil, nous a accordé un petit peu de temps, parce que sinon... Bah, à chaque fois qu'on y a droit. Un grand merci, donc fan d'Electrolive, un petit peu de patience, je vous le donne. Il s'échauffe là. Mais bon, on va revenir à l'album de Prisma. Oui. Yes. Des extraits. Avec plaisir. Et quel morceau vous avez choisi? Freedom or War. Et ben voilà. Donc je vous rappelle 02 38 43 48 00 pour rafler une place pour le Creekfest. De samedi. Thomas avec Freedom of War, un petit extrait de son album Way of Life, qui est sorti récemment. Et pour la toute personne n'a envie d'aller au Creekfest. Hein. Bah tant pis. Bah c'est ce que j'en déduis parce que personne n'a appelé pendant. Mais nous on va y aller, hein, je te confirme. Ouais. Par contre, ouais, tout le monde a déjà sa place. Aussi, hein. Ouais, ouais, on sait que c'est ça, voilà, tout simplement. Ah, enfin oui, bon, peut-être. On n'a pas tout à fait fini l'émission. Puisqu'on va terminer avec un morceau de Sortilège et puis l'ami Christophe d'Electro Live m'a laissé un petit peu déborder. Un grand merci à lui. Merci Christophe. Merci Christophe. Donc on va terminer. Les Christophe c'est les meilleurs. On voilà. Le sait bien. Vous merci. Êtes, tout à fait d'accord. Ouais, ils sont droits, c'est bon. Les gars, je vous signale que vous êtes en minorité. Ah, hein, Fred et Boy, là vous êtes en minorité. Bon. Voilà. Donc pour terminer l'émission, on va terminer avec le morceau que vous avez choisi de Sortilège. Vampire de Apocalypso, yes. Dernier album, voilà. Donc il vous reste quelques minutes si vous voulez rafler une petite place. Voilà. Je vous rappelle et le numéro sinon, 02 38 43 48 00. Sinon sur le Facebook aussi. Voilà, donc voilà. Allez, on se l'envoie. Yeah. Vampire de Sortilège, extrait donc de l'album Apocalypso. C'était donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Et on rappelle donc Sortilège, qui c'est la tête d'affiche du Creekfest 3e édition, qui a lieu à Cléry, Saint-André. Samedi, le 13. Voilà. Eh ben, merci les gars d'être revenus. C'est merci toujours à un plaisir toi pour l'invitation. Avec vous. Ouais, exactement. Merci encore à Christophe de nous laisser déborder aussi. Mais, ouais, c'est pas grave. Mais là, voilà, ça le change un petit peu de l'électro. ouais, pourquoi pas remixer. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe, d'ailleurs ? Tiens, vite fait, là. Toi, le BPM, je sais pas, il est de 140 là-dessus ? Non, je sais pas. Je sais pas, on peut faire ce que tu veux. Ouais. faudrait faire un petit test, un de ces quatre. Si tu veux, ouais. Pourquoi pas. Ouais, bah écoute, Christophe, tu me le dis, je t'amènerai ce que tu veux comme CD, puis on peut. Ah ouais, vous nous préparez une transition. Toi, on ne sent pas du tout le passage entre les deux. Ah, si t'en as un avec les voix séparées, ouais, ce serait plus simple. Ah, c'est jouable. Ouais. C'est jouable. Ouais. Oh bah, Chris est spécialiste aussi spécialiste, du son. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire. Mettez-vous en contact. Et puis, c'est ça. Mais t'as vu comment on t'a amené sur un plateau. Eh bien, encore une fois, merci à vous, les gars. Merci à toi, Christophe. Et puis, chers auditeurs, j'espère qu'on se verra tous samedi. Ça marche. Bye-bye. En attendant, la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel. On change complètement de registre avec un Christophe qui succède à un autre Christophe. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce que tu as à proposer aux Nightclubbers ce soir d'Electrolight ? Bon, un truc plus commercial ce soir que la house américaine de la semaine dernière. Donc ça va être de la dance ce soir. Voilà, donc vous savez ce qu'il reste à faire. Restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel. La musique continue, Electrolight, c'est tout de suite maintenant. Et encore merci de m'avoir permis de rien déborder. Ciao à tous. Ciao. Bye bye.